Fioretti, ou Petite fleur de saint François d'Assise, légende du Moyen-Âge, traduite pour la première fois par Monsieur Labériche. Chapitre 46. Comment frère Pacifique, au moment où il était en prière, vit monter au ciel l'âme de frère humble, son frère. Après la mort de saint François, deux frères se présentèrent à l'un des couvents de la Marche et furent reçus dans l'ordre. L'un d'eux fut appelé frère humble, l'autre frère Pacifique, et tous deux devinrent des hommes d'une grande sainteté et d'une haute perfection. Frère humble resta à Sofiane où il mourut, et frère Pacifique fut envoyé dans un autre couvent fort loin de lui. Or, un jour que ce frère était en prière dans un endroit solitaire, il vit, en extase, l'âme de frère humble monter droit au ciel, au moment où elle quittait son corps. Ayant été appelé à Sofiano, plusieurs années après, il arriva que les frères, sur la demande du seigneur de Bruffort, consentirent à quitter leur maison pour aller s'établir dans un autre endroit. Par suite de ce déplacement, on exhuma les restes des frères qui étaient morts à Sofiano, pour les transporter au nouveau couvent. Quand on en vint au tombeau de frère humble, frère Pacifique prit lui-même les ossements de son frère, les lava avec du vin, les enveloppa dans un linge blanc, puis il les baisait avec respect et les arrosait de ses larmes. Cette conduite surprit beaucoup les autres frères, ils se scandalisèrent même en voyant un homme de grande sainteté témoigner pour son frère une affection qui paraissait si sensuelle, le pleurer avec tant de regret et montrer plus de respect pour ses restes que pour ceux de tant d'autres frères dont la vie avait été aussi sainte que celle de frère humble, et qui méritaient aussi bien sa vénération. Connaissant leurs sentiments, frère Pacifique leur dit, « Très chers frères, ne soyez pas surpris si je témoigne pour les ossements de mon frère plus de vénération que pour les autres. Grâce à Dieu, je n'ai point été en cela, comme vous le croyez, guidé par une affection purement naturelle, mais, au moment où mon frère quittait cette vie, j'étais en prière loin de lui, dans un endroit solitaire. Et j'ai vu son âme s'envoler droit aux cieux, je suis donc assuré que ses restes sont saints, et qu'ils doivent un jour se trouver en paradis. Si j'avais eu la même certitude sur l'âme des autres frères, j'aurais honoré leur dépouille, de la même, vénération. Reconnaissant alors la sainteté et la pureté des intentions de frère Pacifique, ses compagnons s'édifièrent désormais de sa conduite et bénirent Dieu qui opère dans ses saints des choses si merveilleuses. Chapitre 47. Du saint frère à qui la mère du Christ apparut, quand il était malade, lui apportant trois boîtes d'électuaires. Au couvent de Sofiano, dont nous venons de parler, se trouvait autrefois un frère d'une si haute sainteté et riche de tant de grâces, que sa vie paraissait toute céleste. Souvent il était ravi en Dieu, et lorsqu'il était absorbé dans la contemplation divine, faveur dont il était singulièrement doué, les oiseaux venaient le trouver, se posaient familièrement sur sa tête, sur ses pieds et sur ses mains, et faisaient entendre un concert merveilleux. Ce frère aimait la solitude et parlait peu, mais, quand on l'interrogeait, il répondait avec tant de douceur et de sagesse qu'on l'aurait pris pour un ange. Il était favorisé des dons de raison et de contemplation, et les frères avaient pour lui une grande vénération. Lorsqu'il fut près d'arriver au terme de sa sainte vie, Dieu voulut l'éprouver par une maladie, qui ne lui permit bientôt plus de prendre aucun aliment. Dès lors, il refusait tout soulagement corporel, mettait toute sa confiance en Jésus-Christ, le céleste médecin, et en sa sainte mère, et par là, Il mérita de la divine bonté d'être miséricordieusement visité et soulagé par la Vierge bénie. Un jour qu'il était sur son lit, se disposant à la mort avec toute la ferveur de son âme, cette glorieuse Vierge lui apparut et s'approcha de lui avec une grande multitude d'anges et de saintes, et environnée d'une splendeur toute divine. Le frère, en la contemplant, se sentit inondé de joie et fortifié en son âme et en son corps. Il la pria humblement de demander, par ses mérites, à son fils chéri qu'il voulut bien rompre les liens qui le tenaient encore attaché à la misérable prison de son corps, et il lui faisait cette prière avec une grande abondance de larmes. « Ayez confiance, mon fils, lui répondit la Vierge Marie, en l'appelant par son nom, vos vœux sont exaucés, et je viens pour vous fortifier au moment où vous allez quitter cette vie. » Près de la mère de Jésus se trouvaient trois saintes vierges, portant chacune à la main une boîte d'électuaire d'une odeur et d'une suavité inexprimables. La sainte Vierge prit une de ces boîtes, l'ouvrit, et aussitôt toute la cellule fut embaumée, puis, prenant une cuillerée d'électuaire, elle la présenta au malade. Le frère en eut à peine goûté, qu'il se sentit fortifié et rempli d'une douceur si suave, qu'il lui semblait que son âme allait se détacher de son corps. Ô Sainte Mère, Vierge bénie, s'écriait-il, ô vous, la guérison et le salut des pauvres mortels, c'est assez non, je ne puis plus supporter tant de douceur. Mais la compatissante et tendre mère lui en rendit encore jusqu'à ce que la boîte fût entièrement vide. Ensuite, elle en prit une seconde, et y plongea la cuillère pour donner de ce nouvel électuaire au frère, mais celui-ci, se plaignant doucement, disait « Ô bienheureuse mère de Dieu, si mon âme est déjà toute liquéfiée par l'ardeur et la suavité du premier électuaire, comment donc pourrais-je en supporter un second ? Ô vous qui êtes bienheureuse par-dessus tous les saints et tous les anges, je vous en prie, c'est assez. » Mon fils, répondit la glorieuse Vierge, je veux que vous goûtiez de ce nouvel électuaire. Et lui en ayant présenté un peu, elle ajouta, maintenant, c'est assez, prenez courage, mon fils. Bientôt je reviendrai vers vous pour vous conduire au royaume des cieux, que vous avez toujours recherché et souhaité si ardemment. À ces mots, la Vierge disparut, et laissa le frère si rempli de consolation et tellement fortifié par la douceur de l'électuaire, qu'il vécut encore plusieurs jours pleins de force, sans éprouver le besoin de prendre aucune nourriture. Puis, au moment où il s'entretenait avec ses frères, son âme quitta la terre, inondée de joie et de bonheur. Chapitre 48. Comment frère Jacques de la Massé aperçut, dans la vision d'un arbre, tous les frères mineurs du monde, et comment il connut les vertus, les mérites et les vices de chacun d'eux. Frère Jacques de la Massé, que Dieu rendit dépositaire de ses secrets, et à qui il donna la science parfaite et l'intelligence des divines écritures et des choses futures, fut d'une si haute sainteté, que les frères Égide d'Assise, Marc de Montino, Juniper et Lucide disaient de lui qu'il ne connaissait personne au monde qui fût plus grand près de Dieu que frère Jacques de la Massé. J'éprouvais moi-même un grand désir de le voir, car un jour que je priais frère Jean, compagnon de frère Égide, de m'expliquer quelques sujets spirituels, il me répondit, « Si vous voulez être bien instruit dans la vie spirituelle, adressez-vous à frère Jacques de la Massé, c'est par lui que frère Égide voulait être dirigé, il n'y a rien à ajouter ni à changer à ce qu'il dit, car son esprit connaît les secrets des cieux, Ces paroles sont celles de l'Esprit Saint, et il n'y a personne, sur la terre, avec qui je désire moi-même si ardemment m'entretenir. Lorsque frère Jean commençait à exercer son ministère, frère Jacques fut ravi en Dieu, un jour qu'il était en prière. 3 jours entiers, il demeura dans cette extase, privé de toute sensation corporelle et dans une telle insensibilité que les frères doutaient s'il était encore en vie. Ce fut alors que Dieu lui révéla quel devait être le sort de notre ordre. Lorsque j'entendis parler de cette révélation, le désir que je ressentais de m'entretenir avec frère Jacques devint encore plus vif. Enfin Dieu me procura cette consolation. Je le rencontrai un jour, et je lui dis, « Ô mon frère, si ce que l'on raconte de vous est vrai, je vous en prie, confiez-moi votre secret. » On dit que, pendant les 3 jours où vous êtes demeuré comme mort, Dieu, entre autres choses, vous a révélé quel devait être le sort de notre ordre. C'est ce que m'a rapporté frère Mathieu, ministre de la Marche, à qui, vous-même, vous avez confié le secret de cette révélation. Frère Jacques m'avoua humblement que le récit du ministre était exact. Or, voici ce qu'avait raconté frère Mathieu. Je connais un frère à qui Dieu a révélé ce qui doit arriver à notre ordre. Frère Jacques de la Massé m'a rapporté qu'un jour, après que Dieu lui eut confié beaucoup de choses secrètes sur l'état de l'Église militante, il avait aperçu, dans une vision, un arbre merveilleux de beauté et de grandeur. Sa racine était d'or, ses fruits étaient des hommes, et ses hommes étaient des frères mineurs. Cet arbre avait autant de branches principales qu'il y avait alors de provinces dans l'ordre, et chaque branche portait autant de frères qu'il y en avait dans la province qu'elle représentait. De cette manière, frère Jean connut le nombre de tous les religieux qui composaient l'ordre et chacune des provinces, il connut même le nom, l'âge, la condition, les emplois, les dignités, les grâces et les fautes de chacun des frères mineurs. Au sommet de la branche du milieu, il remarqua frère Jean de Parme, les ministres de toutes les provinces se trouvaient au sommet des branches environnantes. Il aperçut aussi Jésus-Christ, assis sur un trône élevé d'un éclat éblouissant. Il appelait saint François près de lui, lui présenta une coupe pleine de l'esprit de vie, et lui disait « Va, visite les frères de ton ordre, et donne-leur à boire de cette coupe de l'esprit de vie, car l'esprit de Satan se lèvera contre eux, il les frappera, et plusieurs d'entre eux tomberont sans jamais pouvoir se relever. » Puis le Christ donna encore aux saints 2 anges qui devaient l'accompagner. Alors saint François vint offrir la coupe à ses frères. Il commença par frère Jean de Parme, qu'il a pris, but avec une sainte avidité tout l'esprit de vie qu'elle contenait, et devint aussitôt brillant comme le soleil. Ensuite, le saint présenta successivement la coupe à tous les autres frères, mais il s'en trouvait peu qui la reçussent avec le respect et la piété convenable, et qui l'épuisassent tout entière. Le petit nombre de ceux qui la recevaient et qui la vidaient devenait sur le champ resplendissant comme le soleil, tandis que les autres devenaient noirs, obscurs, difformes et hideux à voir. Pour ceux qui en buvaient une partie et répandaient le reste, ils devenaient moitié brillants, moitié obscur, plus ou moins, selon la mesure qu'ils avaient bu ou répandu. Mais, parmi tous les autres, frère Jean resplendissait d'une clarté plus éblouissante. C'était lui qui avait mieux épuisé la coupe de l'esprit de vie, et c'est pour cela qu'il lui fut donné de contempler avec plus de profondeur que les autres l'abîme de la divine et infinie clarté. Et ce fut dans cette clarté qu'il entrevit les adversités et les tempêtes qui allaient s'élever contre l'arbre, agiter et briser ses rameaux. Dans cette prévision, il descendit du sommet de la branche où il se trouvait, alla se cacher au pied du tronc de l'arbre, et là il se tenait tout pensif. Alors un frère, qui n'avait bu qu'une partie de la coupe, s'élança au sommet de la branche que frère Jean venait de quitter, mais à peine y était-il, que les ongles de ses mains se changèrent en pointes de fer aiguës et tranchantes comme des lames de rasoir. Aussitôt il quitte brusquement sa branche et se précipite avec impétuosité et fureur sur frère Jean, mais, sitôt qu'il l'aperçoit, celui-ci pousse un grand cri, et se recommande à Jésus-Christ assis sur le trône. Le Christ, alors, appelle de nouveau saint François, lui donne un caillou très tranchant, et lui dit, « Prends ce caillou, et va couper les ongles de ce frère qui veut déchirer frère Jean, et mets-le dans l'impossibilité de faire désormais aucun mal. » Saint François obéit et partit sur le champ. Mais voici qu'un instant après, un vent impétueux s'élève et secoue l'arbre avec tant de violence que les frères en tombaient à terre. Ceux qui tombaient les premiers étaient ceux qui avaient répandu toute la coupe de l'esprit de vie, les démons les traînaient dans des demeures obscures où ils étaient tourmentés. Mais frère Jean et tous ceux qui, comme lui, avaient épuisé la coupe, était transporté par les anges dans un séjour de vie, de lumière éternelle et de bienheureuse splendeur. Dans cette vision, frère Jacques distinguait clairement chaque frère en particulier avec sa dignité et sa condition. Enfin, après avoir été quelque temps battu par la tempête, l'arbre finit par tomber, et il devint le jouet des vents qui l'emportèrent. Alors la tempête s'apaisa, et, de la racine de cet arbre d'or qui venait d'être arraché, s'en éleva un autre également d'or et dont les feuilles et les fruits étaient aussi tout d'or. Que dire de cet arbre, de sa croissance, de la profondeur de ses racines, de sa beauté, de son odeur et de sa vertu? Mieux vaut se taire maintenant. Chapitre 49. Comment le Christ apparut à frère Jean de l'Alverne. Parmi les frères et les enfants de saint François les plus remarquables par leur sagesse et leur sainteté, et qui, selon la parole de Salomon, sont la gloire de leur père, se trouva, de notre temps, dans la province de la Marche, le vénérable et saint frère Jean de Fermaux, qui, du nom du couvent qu'il habita longtemps et où il mourut, fut appelé frère Jean de l'Alverne. Ce frère était un homme d'une rare sainteté, encore séculier et tout jeune, déjà il aspirait à marcher dans les voies de la pénitence, jaloux de conserver, par là, la pureté de l'âme et du corps. Aussi, dès lors, il portait le cilice et le cercle de fer sur la chair, et il s'adonnait à de grandes mortifications. Pendant quelque temps, il demeura chez les chanoines de Fermaux, qui vivaient dans la magnificence, alors surtout, il se privait de toute jouissance sensuelle et il macérait son corps par une sévère abstinence. Cependant, se voyant avec des compagnons qui menaient un genre de vie si contraire au sien, qui l'empêchait de porter le cilice, et qui s'opposait, en toute manière, à ses austérités, il se détermina, par une inspiration divine, à quitter le monde et ses partisans, et à se jeter entre les bras de Jésus-Christ crucifié, avec l'habit de cet autre crucifié, saint François. Bientôt, en effet, il exécuta ce projet et fut admis dans l'ordre. Confié aux soins du maître des novices, il devint, en peu de temps, si fervent et si pieux, qu'en écoutant son directeur parler des choses de Dieu, Quelquefois il sentait son cœur se fondre comme la cire près du feu, et l'amour divin l'embrasait avec une ardeur si vive et si suave, que, sous son impression, il était involontairement emporté. Alors il se levait, et, comme enivré de l'esprit divin, il courait, soit dans le jardin, soit dans le bois, soit dans l'église, selon l'impulsion qu'il recevait par la flamme et l'impétuosité de cet esprit. Docile au mouvement de la grâce, de jour en jour, cet angélique jeune homme faisait de rapides progrès dans les vertus, et les dons célestes, les saintes élévations et les ravissements le portèrent à un tel degré de perfection, que son esprit s'élevait parfois jusqu'aux splendeurs des chérubins, aux ardeurs des séraphins, aux joies des bienheureux, enfin jusqu'aux amoureux et inexprimables embrassements de Jésus-Christ. Et puis, ces divines opérations ne se faisaient pas seulement ressentir à l'intérieur, les sens extérieurs eux-mêmes en subissaient la douce influence. Une fois surtout, la flamme du divin amour embrasa son cœur avec une ardeur extrême, et cet état dura 3 ans entiers. Son cœur, alors, se trouvait inondé de consolation, consumé par l'amour de Jésus-Christ et livré, presque continuellement, aux extases et aux apparitions divines. Ce prodige eut lieu sur la sainte montagne de l'Alverne. Cependant, comme Dieu prend un soin tout particulier de ses enfants, leur ménageant, à propos et selon les circonstances, les douceurs ou les tribulations, suivant le besoin qu'ils en ont pour se conserver dans l'humilité, ou pour s'enflammer davantage du désir des choses célestes, il lui plut, après ces 3 années de faveur, de ravir à frère Jean la flamme de l'amour divin qu'il possédait, et de le priver de toute consolation spirituelle. Dès lors, il demeura sans lumière, sans amour sensible pour Dieu, et accablé de tristesse. Dans sa douleur, il s'en allait errant çà et là dans le bois du couvent, appelant par ses cris, ses larmes et ses soupirs, les poucheries de son âme, qui s'était soustrait à son amour, qui l'avait abandonné, et sans lequel il ne pouvait goûter ni repos, ni tranquillité. Mais nulle part, et en aucune manière, il ne pouvait retrouver Jésus, ni les douceurs spirituelles de son amour, qu'il avait si souvent éprouvées. Cet état d'abandon dura plusieurs jours, pendant lesquels le pauvre frère ne cessait de demander à Dieu qu'il daignât, dans sa miséricorde, lui rendre son bien-aimé. Enfin la divine bonté avait assez éprouvé la patience et excité les désirs du saint frère. Un jour, après avoir longtemps erré dans les bois, accablé de fatigue, il s'était assis au pied d'un hêtre, et il tournait vers le ciel des yeux baignés de larmes. En ce moment, Jésus-Christ lui apparut dans un sentier par lequel il était venu, et il se tint près de lui, sans lui parler. À la vue du Christ, frère Jean se jeta à ses pieds et lui dit en fondant en larmes, « Ô mon Seigneur, secourez-moi, mon doux Sauveur, sans vous je suis plongé dans les ténèbres et la désolation, sans vous, tendre agneau, je suis dans les angoisses, les tribulations et les craintes, sans vous, Fils du Très-Haut, je suis dans la confusion et la honte, sans vous, je suis dépouillé de tout bien et dans l'aveuglement, car c'est vous, ô mon Jésus qui êtes la vraie lumière des esprits, sans vous, je suis perdu, je suis damné. Car c'est vous encore qui êtes la vie des âmes, la vie des vies, sans vous, je suis stérile et aride, car c'est vous qui êtes la source d'où découle tout don et toute grâce, sans vous, je demeure privé de toute consolation, car c'est vous, ô Seigneur, qui êtes notre rédemption, notre amour, notre désir, le pain vivifiant, le vin qui réjouit les cœurs des anges et les cœurs de tous les bienheureux. Ô très doux Maître, ô charitable Pasteur, daignez m'éclairer, car je suis votre pauvre petite brebis, tout indigne que je sois de ce bonheur. Les désirs des cinq dieux diffèrent d'exaucer servent à augmenter leur amour et à leur procurer un plus grand mérite. Jésus-Christ partit donc sans exaucer le frère, sans lui parler, et il reprit le sentier par lequel il était venu vers lui. Aussitôt frère Jean se lève, court après lui, se jette à ses pieds de nouveau, le retient avec une sainte importunité, et tout en pleurs il s'écrie, « Ô très clément Jésus, prenez pitié d'une pauvre âme désolée, par votre divine miséricorde, par le salut que vous nous avez mérité, exaucez-moi, rendez-moi la joie de votre face et de votre regard compatissant, oui, ô Jésus, car la terre est toute comblée de vos bienfaits. » Le Christ partit encore sans répondre, sans donner aux frères aucune consolation, semblable à une mère qui, voulant faire désirer le sein à son petit enfant, afin qu'il le prenne ensuite avec plus d'empressement, le laisse impatienter un peu et pleurer. Cependant frère Jean suit le Christ avec plus d'ardeur encore, et il le rejoint. Alors Jésus se retourne, laisse tomber sur lui un regard doux et gracieux, étend ses bras très miséricordieux et très saints, et l'y reçoit en l'embrassant avec tendresse. En ce moment, frère Jean vit s'échapper de la poitrine sacrée du Sauveur des rayons de lumière qui illuminaient tout le bois et qui se répandaient aussi sur son âme et sur son corps. Il se jette aux pieds du Christ, qui, comme autrefois à Madeleine, les lui présente bénignement à baiser, il les prend avec respect, les arrose de ses larmes, et il était vraiment là comme une autre Madeleine. Ô mon Seigneur, disait-il, je vous en prie, détournez vos regards de dessus mes péchés, par votre très sainte passion, par l'effusion de votre très précieux sang, ah, daignez ressusciter mon âme à la grâce de votre amour, afin que je remplisse le précepte que vous nous avez donné de vous aimer de tout notre cœur et de toute notre âme. Vous le savez, ce précepte, nous ne pouvons l'accomplir sans votre grâce. Aidez-moi donc, ô Fils bien-aimé de Dieu, et que je puisse vous aimer de tout mon cœur et de toutes mes forces. Cette prière fut exaucée, la flamme du divin amour vint embraser de nouveau le cœur du saint frère, qui dès ce moment se sentit entièrement renouvelé et rempli de consolation. Alors, voyant que le don de la grâce lui était rendu, il en remercie le Christ béni, et couvre ses pieds de baisers affectueux. Au moment où il se relevait pour contempler sa face divine, voyant que Jésus lui présentait ses très saintes mains à baiser, le frère les baise avec ardeur, puis il s'approche de la poitrine du Sauveur et la baise aussi, et le Christ, de son côté, l'embrasse avec une tendresse inexprimable. Au milieu de ces doux embrassements, frère Jean sentit s'exhaler une odeur si suave, que, près d'elle, tous les aromates et tous les parfums du monde réunis ensemble n'auraient été qu'une infection. En même temps, il fut ravi en Dieu, illuminé et consolé. Et, plusieurs mois encore, il porta dans son âme le céleste parfum qu'il avait reçu de Jésus. Depuis que sa bouche s'était abreuvée à la source de la divine sagesse, au cœur sacré du Sauveur, les paroles qui en sortaient étaient merveilleuses et n'avaient plus rien de terrestre, elles avaient la puissance de convertir les cœurs, et quiconque les entendait en retirait un grand fruit spirituel. Et puis, dans ce sentier où les pieds bénis du Christ avaient posé, et même à une distance assez éloignée de là, frère Jean, Longtemps encore après l'apparition, sentez la suave odeur qui s'y était exhalée, et voyez la splendeur dont le Christ avait été alors environné. Enfin, revenu de son extase, après la disparition du Sauveur, frère Jean rapporta de l'abîme de la divinité une si grande abondance de lumière pour son âme, que, bien qu'il ne fût pas un homme de lettres et qu'il n'eût pas étudié, il résolvait néanmoins et expliquait sans peine les questions les plus subtiles et les plus élevées sur la divine Trinité et sur les plus profonds mystères de la Sainte Écriture. Plusieurs fois il parla devant le pape, les cardinaux, les rois, les barons, les maîtres et les docteurs, et tous demeurèrent ravis et stupéfaits en trouvant en lui des pensées si sublimes et des maximes si profondes. Chapitre 50. Comment frère Jean de l'Alverne, célébrant la messe le jour des morts, vit une multitude d'âmes délivrées du purgatoire. On était au lendemain de la Toussaint. Frère Jean, suivant les intentions de l'Église, célébrait la messe pour les âmes des défunts. Il offrait ce redoutable sacrifice, l'objet des plus ardents désirs des âmes du purgatoire, avec une si ardente charité et une si grande ferveur, qu'il paraissait comme absorbé par la douceur de la piété et de l'amour fraternel. Au moment où il faisait l'élévation du corps de Jésus-Christ, il le présentait à Dieu le Père, le priant, par l'amour de Jésus son Fils béni, attaché à la croix pour le salut des âmes, de daigner délivrer des peines du purgatoire celles qui achevaient de s'y purifier. Aussitôt, il vit un nombre infini de ces âmes sortir du lieu de leur expiation, semblable à une multitude d'étincelles que s'échapperaient d'une fournaise ardente. Elles montaient toutes au ciel par le mérite de la passion de Jésus-Christ qui, tous les jours, est offert pour les vivants et les morts dans l'hostie sacrée, et, digne d'être adoré dans les siècles des siècles. Chapitre 51. Du Saint Frère Jacques de Falerone. Comment, après sa mort, il apparut à Frère Jean de l'Alverne. Frère Jacques de Falerone avait une réputation de haute sainteté. Pendant une maladie dont il était atteint, au couvent de Moliano dans la garde de Fermo, un saint religieux, Frère Jean de l'Alverne, qui l'aimait comme son père et qui demeurait alors au couvent de la Massé, se mit en prière et supplia Dieu de rendre à son ami la santé du corps, si cela était plus expédient pour le bien de son âme. Au moment où il priait ainsi, ravi tout à coup en extase, il vit dans les airs, au-dessus de sa cellule, qui se trouvait dans le bois, une troupe d'anges et de saints environnés de tant de splendeur, que tout le pays d'alentour en était illuminé. Au milieu de cette divine légion, il remarqua l'ami pour lequel il priait, et il le vit couvert de vêtements éblouissants. Il aperçut aussi le bienheureux Père Saint François portant les sacrés stigmates du Christ et resplendissant de gloire, le Saint Frère Lucide, Frère Matthieu l'Ancien, Dumont Rubino et une foule d'autres religieux qu'il n'avait pas connus dans le monde. Il contemplait avec joie cette céleste milice, quand il lui fut révélé que l'âme de Frère Jacques était sauvée, et qu'il devait mourir de la maladie dont il était atteint. Il apprit aussi qu'il ne devait pas entrer en paradis immédiatement après sa mort, mais qu'il passerait auparavant quelque temps en purgatoire pour s'y purifier. Cette révélation du sort heureux de Frère Jacques laissa Frère Jean dans une allégresse qui lui faisait oublier la mort de son ami. Il l'appelait doucement à lui-même, et il disait « Frère Jacques, ô mon doux père, Frère Jacques, ô mon bien-aimé frère, Frère Jacques, ô le fidèle serviteur et l'ami de Dieu, Frère Jacques, ô le compagnon et l'associé des bienheureux. » Revenu de son extase, frère Jean partit pour aller visiter son ami Emiliano. À son arrivée, il le trouva tellement appesanti par la maladie, qu'à peine s'il pouvait encore prononcer quelques mots. Il lui apprit que la mort allait frapper son corps, mais que le salut et la gloire étaient réservés à son âme, et qu'il en avait la certitude par une révélation que Dieu lui en avait faite. Le malade reçut cette annonce avec une joie qui se peignait sur tous ses traits. Il remercia son ami de lui avoir apporté une si heureuse nouvelle, et se recommanda humblement à ses prières. Alors frère Jean lui demanda de lui apparaître après sa mort et de venir l'informer de son état, et frère Jacques lui promit de le faire, si Dieu le lui permettait. Après cet entretien, sentant l'heure de sa mort approcher, le malade récita pieusement ce verset du psaume « Je m'endormirai en paix, et je reposerai dans la vie éternelle ». Et après avoir prononcé ces mots, il quitta cette misérable vie, la figure encore toute épanouie de joie. Lorsqu'il fut enterré, frère Jean retourna à son couvent de la Massée, et là, il attendait que frère Jacques vînt remplir la promesse qu'il lui avait faite. Au jour dont étaient convenus les deux amis, et pendant qu'il était en prière, frère Jean vit apparaître le Christ accompagné d'une grande troupe d'anges et de saints. Mais frère Jacques ne se trouvait pas parmi eux. Se voyant trompé dans son attente, frère Jean s'adresse à Jésus-Christ et lui recommande son ami avec ferveur. Le jour suivant, au moment où il était encore en prière dans le bois, frère Jacques lui apparut enfin, accompagné d'une légion d'anges, couronné de gloire, et le visage radieux. Ô Père bien-aimé, lui dit aussitôt frère Jean, pourquoi donc ne vous ai-je pas vu au jour dont vous étiez convenu? Parce que j'avais encore besoin de me purifier, répondit frère Jacques. Mais à l'heure même où le Christ t'a visité et où tu l'as prié pour moi, tes vœux ont été exaucés et j'ai été entièrement délivré. Alors j'apparus à Jacques de la Massée au moment où ce saint laïque, servant la messe, voyait, à l'élévation, l'hostie lui apparaître sous la forme d'un bel enfant. Je lui dis, c'est aujourd'hui, qu'à la suite de ce divin enfant, je m'en vais au royaume de la vie éternelle, où personne ne peut entrer que par lui. Ayant dit ces mots, frère Jacques disparut, s'éleva vers les cieux en la compagnie des anges, et laissa frère Jean rempli de consolation. Frère Jacques de Faleron mourut dans le mois de juillet, la veille de Saint Jacques apôtre, au couvent de Mogliano. Et la bonté divine y opéra dans la suite plusieurs miracles par son intercession. Chapitre 52 De la vision dans laquelle frère Jean de l'Alverne connut toute l'harmonie de la Sainte Trinité. Après avoir entièrement renoncé aux plaisirs et aux jouissances de ce monde, frère Jean avait mis en Dieu toutes ses délices et toutes ses espérances, et ce bon maître, pour l'en récompenser, le favorisait de consolations merveilleuses et de révélations, spécialement au jour des solennités du Christ. À l'approche de la nativité de notre Seigneur, fête pendant laquelle il comptait sur les délices que lui procurait la douce humanité de Jésus, un jour qu'il pensait à la charité qui a porté le Sauveur à s'humilier et à se faire homme comme nous. Le Saint-Esprit l'enflamma d'un amour si excessif et d'une ferveur si vive, qu'il lui semblait que son âme, enflammée comme une fournaise ardente, allait s'échapper de son corps. Ne pouvant plus supporter ses ardeurs divines, il se plaignait amoureusement, se consumait et poussait involontairement de grands cris. Excité par l'impétuosité de l'Esprit-Saint et la ferveur dont il était embrasé. En ce moment, l'espérance de son salut était en lui si forte et si certaine, qu'il ne pouvait croire qu'il dût passer par les flammes du purgatoire, s'il était mort alors. Ce divin amour brûla dans son cœur 6 mois entiers, mais sa plus vive ardeur n'était pas continuelle, elle ne se faisait sentir qu'à certaines heures du jour. Ce fut vers ce temps que Dieu le favorisa de ses apparitions et qu'il lui prodigua de merveilleuses consolations. Souvent il le ravissait en extase, et le frère qui le premier a raconté ses prodiges le trouva souvent en cet état. Une fois entre autres, il fut, pendant une nuit, tellement ravi et plongé en Dieu, qu'il vit distinctement, dans le sein de la divinité, toutes les choses créées, tant du ciel que de la terre, avec leur perfection, leurs conditions et leur ordre. Il connut clairement les rapports de toutes les créatures avec Dieu, et la manière dont cet être infini est tout entier dans chacune d'elles, les environnant et les pénétrant de son immensité. Il connut encore un seul Dieu en 3 personnes, 3 personnes en un seul Dieu, et l'infinie charité qui porta le Fils du Très-Haut à s'incarner par obéissance pour son Père. Enfin, il connut dans cette vision que l'homme n'a pas d'autre voie pour aller à Dieu et posséder le royaume éternel, que le Christ béni, qui est lui-même la voie, la vérité et la vie des âmes. Chapitre 53. Frère Jean de l'Alverne tombe comme mort en célébrant la messe. Frère Jean se trouvait au couvent de Mogliano, lorsque eut lieu le prodige que nous allons raconter, et qui fut rapporté par les frères mêmes qui en avaient été les témoins. C'était la nuit d'après l'octave de Saint-Laurent, et dans l'octave même de l'Assomption de Notre-Dame, frère Jean, après avoir chanté matine à l'église avec les autres frères, sentant descendre en son cœur l'onction de la grâce divine, se retira dans le jardin pour s'y occuper de la passion du Christ et se disposer à célébrer saintement la messe, qu'il devait chanter ce jour-là. Il méditait sur les paroles de la consécration du corps de Jésus-Christ, considérant l'infinie charité du Sauveur, qui ne s'est pas contenté de verser son sang pour nous racheter, mais qui veut bien encore laisser son corps avec ce sang précieux pour la nourriture de nos âmes. En ce moment, il sentit s'accroître en son cœur une si grande ferveur et une douceur si suave, qu'il était prêt à y succomber. Il poussait de grands cris, et, comme enivré de l'esprit qui le possédait, il répétait continuellement ces paroles, « Ceci en vérité est mon corps ». En les prononçant, il lui semblait voir le Christ béni avec la Vierge et une multitude d'anges, et l'Esprit Saint éclairait alors son âme dans les profonds et sublimes mystères du redoutable sacrifice de l'autel. Au lever de l'aurore, il entra dans l'église, encore sous l'impression de cette ferveur, répétant toujours les paroles de la consécration, et s'imaginant n'être vu ni entendu de personne, mais un frère, qui se trouvait en prière dans le cœur. Entendait et voyait tout. Cependant, ne pouvant plus se contenir, et pressé par l'abondance de la grâce divine, frère Jean continuait à jeter de grands cris, il demeura dans cet état jusqu'au moment de la messe. Alors il alla se préparer à l'autel. Lorsqu'il eut commencé le sacrifice, il éprouva que plus il avançait plus s'accroissait en lui l'amour de Jésus-Christ, et cette ferveur qui lui apportait un sentiment si intime de la divinité, que sa parole ne pouvait l'exprimer. Craignant que cette ferveur et ce sentiment ne s'accrussent au point qu'il fût obligé d'interrompre le saint sacrifice, il était inquiet et ne savait s'il devait continuer. Toutefois, se rappelant qu'il s'était déjà trouvé en pareille circonstance et que le Seigneur avait assez tempéré sa ferveur pour qu'il pût achever la messe, Il espéra qu'il en serait encore ainsi cette fois. Il poursuivit donc. Lorsqu'il en fut à la préface de Notre-Dame, l'illumination d'en haut et la suavité de l'amour divin devinrent telles, qu'une fois à ces mots, la veille, il se sentit prêt à défaillir. Enfin, quand il en vint au moment de la consécration, et qu'il eut prononcé sur l'hostie ces trois mots, Hoc est enim, car ceci, il lui fut impossible de continuer, et il ne faisait que répéter, car ceci. Ce qui l'arrêtait, c'est qu'il voyait Jésus-Christ environné d'une multitude d'anges, et la majesté divine l'absorbait tout entier. Et puis, il voyait que Jésus-Christ n'entrait pas dans le pain et que ce pain ne se changerait pas en son corps, tant qu'il n'aurait pas prononcé les paroles de la consécration, Corpus meum, et mon corps. Il était dans cette anxiété, sans qu'il lui fût possible d'avancer dans le saint sacrifice, lorsque le gardien s'en étant aperçu, ainsi que les autres frères et les séculiers qui entendaient la messe, tous s'approchèrent de l'autel et demeurèrent saisis d'étonnement. À ce touchant spectacle, plusieurs même versaient des larmes d'attendrissement. Enfin, après une longue interruption, Dieu permit que frère Jean pût prononcer à haute voix ces mots, « Et mon corps ». Aussitôt, la forme du pain s'évanouit, et, à sa place, apparut Jésus-Christ sous une figure humaine et resplendissant de gloire. Alors, cet aimable Sauveur fit connaître aux frères la charité et l'anéantissement qu'il avait porté à s'incarner dans le sein de la Vierge Marie et à descendre tous les jours entre les mains du prêtre quand il consacre le pain. Et cette révélation ajoutait encore au ravissement qu'il éprouvait dans la douceur de la contemplation. Après l'élévation de l'hostie et la consécration du calice, une extase lui survint, et il se sentit transporté hors de lui-même. Dans cet état, son âme n'éprouvait plus aucun sentiment humain, et son corps, se penchant en arrière, allait tomber à la renverse s'il n'avait été soutenu par le gardien qui se trouvait derrière lui. Aussitôt, les frères et les séculiers qui étaient dans l'église se pressèrent autour de lui et les transportèrent à la sacristie. Il était comme mort, déjà son corps était glacé et les doigts de ses mains tellement contractés, qu'à peine si l'on pouvait encore les étendre et les remuer. Frère Jean demeura dans cet évanouissement et cette extase jusqu'à l'heure de tierce, c'était pendant l'été. J'avais été moi-même témoin de ce prodige. Désirant vivement connaître ce que Dieu avait opéré en frère Jean dans cette occasion, j'allai le trouver sitôt qu'il fut revenu à lui, et je le priai, pour l'amour de Dieu, de vouloir bien me dire ce qu'il avait éprouvé. Et lui, qui avait confiance en moi, se rendit à ma demande. Il me raconta, entre autres choses, qu'au moment où il regardait le corps et le sang de Jésus-Christ, son cœur se fondait comme une cire molle, qui lui semblait n'avoir plus d'os dans ses chairs, en sorte qu'il ne pouvait plus lever ni les bras ni les mains, et qu'il lui était impossible de faire le signe de la croix sur l'hostie et le calice. Il me dit aussi qu'avant d'être prêtre, Dieu lui avait révélé qu'il devait s'évanouir pendant la messe, mais qu'ayant célébré déjà plusieurs fois le saint sacrifice, sans se trouver dans cet état, il avait fini par croire que cette révélation ne venait pas du ciel. Il ajouta que cependant, environ 50 jours avant l'Assomption de Notre-Dame, fête pendant laquelle eut lieu le prodige que nous venons de rapporter, notre Seigneur lui avait fait connaître de nouveau qu'il ne tarderait pas à éprouver l'évanouissement qu'il lui avait annoncé déjà, mais il avait perdu, depuis, le souvenir de cette révélation. Markem dan Archivorg d'après Books Google et Fer et Archivorg Ambroise Bréa 1859 et Bréa et Reto 1883. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.